Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies. Il s'agit principalement des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle. Vous l'avez entendu, on a changé de bourreau, c'est plus Macron, c'est Castex, mais on ne peut toujours pas aller au cinéma, donc je suis toujours là pour vous conseiller des films. Et si vous ne savez pas quoi regarder aujourd'hui, je vous incite très fortement, ce n'est plus je vous conseille, je vous incite à voir Petite fille de Sébastien Lifshitz. Quand je serai grand, je serai une fille. Je lui dis, mais non, Sacha, tu seras jamais une fille. Et là, Sacha s'est mise à pleurer. C'était vraiment le pleur de... Je venais de foutre sa vie en l'air. Qu'elle est juste pas née dans le bon corps et c'est pas elle qui l'a choisi, quoi. Quand je vois à l'école qu'on lui dit non, t'es née en tant que garçon, t'es pas née en tant que fille, donc tu es un garçon. Et ça, je comprends pas. Alors je vous préviens immédiatement, je risque d'être très très très émotif. Pendant ce podcast, ça risque de s'entendre parce que ça commence. Voilà, ça commence. L'émotion commence à monter. C'est vraiment un film qui m'a énormément touché, devant lequel j'ai, voilà, le carton des films devant lesquels j'ai pleuré. Et là, on l'ouvre en grand et on met Petite fille dedans parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. J'ai fait une pause un moment pour me remettre émotionnellement du film. Donc, Petite fille, ça raconte l'histoire de Sacha qui, au moment où le documentaire commence, a 7 ans. Et qui est née dans le corps d'un garçon, mais qui, depuis toute petite, est une fille. Voilà. Donc, hier, quand je parlais de Miss et que je disais que le film n'abordait pas la transidentité pour son personnage principal, là, c'est totalement le cas. Voilà. Alors, c'est un documentaire. Sacha et sa famille sont des vraies personnes qui vivent comme c'est décrit dans le documentaire, dans la vraie vie. Et c'est ce qui le rend absolument déchirant, en fait. On va commencer par tout ce qui n'est pas en rapport avec l'histoire, pour que je puisse en parler sans être submergé par l'émotion. À commencer par la réalisation de Sébastien Lifshitz. Je me trompe souvent sur son nom, donc là, je ne me suis pas trompé, mais voilà. Bref, je m'excuse, parce que c'est vraiment un réalisateur... génial, de documentaire qui a un don fou. Voilà, il a un don fou pour les documentaires. Cette année, il avait aussi sorti le film Adolescente, qui dure un peu plus longtemps, qui dure un peu plus longtemps sur le tournage, qui dure un peu plus longtemps sur la durée du film, voilà, puisque on en parlera un jour, parce que j'ai vraiment adoré, mais il a suivi deux adolescentes pendant... pendant 5 ans de leur vie, voilà, et il retranscrit ça sur grand écran. Et donc le point commun qu'on retrouve dans la réalisation de l'adolescente et petite fille, c'est le fait qu'il a une caméra très très très très discrète. C'est-à-dire qu'il va pas, chercher à intervenir, il va totalement laisser une liberté, il ne va obliger à rien, il va pas orienter son documentaire sur tel ou tel sujet. Il va vraiment juste être là pour filmer, il va se faire très discret. Et le plus souvent, dans ces documentaires, les images sont plus évocatrices que les mots. Et ça, il l'a parfaitement bien compris. Et donc déjà, rien que pour ça, c'est magnifique. Et même visuellement, je trouve qu'il y a un traitement de l'image qui est absolument sublime, surtout dans Petite Fille. La différence majeure que j'ai pu relever, toujours dans la réalisation, c'est que dans Petite Fille, il y a des facecams. Il y a des facecams des parents et de la sœur. Alors, il n'y a pas de facecam d'enfant. Et Sébastien Lifshitz a tout de suite a expliqué. Il a dit que selon lui, et je suis assez d'accord, selon lui, c'est moins éloquent par exemple, de faire parler Sacha. Surtout qu'on le voit dans le documentaire qu'elle a énormément de mal à se confier, plutôt que de montrer comment elle vit, etc. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Et c'est vrai que éventuellement interroger Sacha aurait pu apporter quelque chose, mais je ne pense pas que ce soit essentiel et je ne pense pas que le film soit raté à cause de ça, bien au contraire. Parlons de l'histoire en elle-même. Mon cœur s'est brisé plusieurs fois. J'ai trouvé ça déchirant sur tous les points. C'est-à-dire qu'il y a là, dans la première, surtout la première séance avec la psychiatre. Alors attention, quand je dis psychiatre, C'est pas qu'on considère que Sacha est malade et qu'il faut la guérir, etc. C'est que c'est une psychiatre qui est là pour aider, accompagner Sacha dans sa vie de petite fille, voilà. Donc ce n'est pas, c'est pas des thérapies pour le, pour la remettre dans le droit chemin, entre guillemets, puisque apparemment l'école utilise ce terme. Je trouve ça hyper choquant d'utiliser ce terme de remettre dans le droit chemin. Voilà, donc non, la psychiatre ne sert pas à ça. La psychiatre sert à accompagner Sacha et à ce qu'elle vive sa vie le mieux possible. Et pendant cette séance, il y a la maman de Sacha qui en larmes demande à la psy, mais est-ce que c'est de ma faute parce que j'ai tellement voulu une fille? Est-ce que c'est de ma faute? Et ce qui m'a bouleversé, c'est pas qu'elle demande ça. C'est pourquoi elle le demande, parce qu'elle le demande pas, parce que elle ne veut pas que sa fille soit comme ça. Elle est en totale acceptation de sa fille et se bat pour elle, et on le voit tout le long du film. Mais c'est juste qu'elle dit ça parce que sa fille souffre beaucoup à cause de ça. Et elle culpabilise pour la peine de sa fille et pour tous les combats qu'elle aura à mener dans sa vie. Et je trouve ça absolument beau et merveilleux. Et je crois que j'ai jamais vu un amour maternel aussi fort au cinéma, que ce soit dans une fiction ou dans un documentaire. C'est absolument incroyable. Et la deuxième chose qui m'a brisé dans cette scène, c'est que Sacha commence à avoir les larmes aux yeux. Et la psy lui demande, c'est quand je parle de l'école que tu as les larmes aux yeux. Et qu'elle se met à totalement pleurer, à fondre en larmes. Et pardon, ça y est, je commence à me laisser submerger par l'émotion. Je pense que ça doit s'entendre. Et j'ai tellement ressenti de l'empathie pour elle et pour ce qu'elle doit vivre. Et je comprends pas comment un être humain, enfin des êtres humains en l'occurrence, tous les directeurs, l'administration de l'école peut être aussi cruel. C'est quelque chose qui m'a absolument échappé et qui est absolument bien retranscrit dans le documentaire comment juste certaines personnes peuvent être des gros connards. Pardon pour le vocabulaire, mais juste voilà, il n'y a pas d'autre mot, peuvent juste être des gros connards et ne pas accepter la volonté des autres, ne pas accepter ce que sont les autres. Et j'avais qu'une envie, c'était d'envoyer tout mon amour à Sacha et à sa famille, parce qu'elle mérite de vivre la vie de fille qu'elle veut. Elle mérite de vivre sans être dérangée ou inquiétée par rapport à ça. Alors évidemment, on a envie d'envoyer de l'amour à Sacha et de lui dire qu'on espère que tout se passera bien dans sa vie. Mais je pense qu'un facteur très important là-dedans est la famille. Parce que tout le monde dans la famille, que ce soit du plus petit frère au papa, est au minimum dans l'acceptation. Au minimum accepte Sacha comme elle est. Accepte Sacha comme une vraie petite fille. Et j'ai trouvé ça absolument fabuleux, une famille comme ça. Et c'est ce qui m'a d'autant plus touché quand la mère culpabilisait, alors que elle est quasiment parfaite en fait. Elle se bat pour sa fille, elle se bat tout le temps pour que sa fille soit reconnue comme une petite fille. Et elle arrive quand même à culpabiliser, à se reprocher des choses. J'ai trouvé ça horrible et terriblement touchant à la fois. Le papa, c'est autre chose. Le papa est plus en retrait parce que le papa n'est pas dans cette démarche de combat. Le papa est en acceptation. Je vous mettrai à la fin un autre extrait de la bande-annonce. Je ne vois aucun intérêt pour le coup à vous mettre la BO. Les dialogues du film sont beaucoup plus expressifs, beaucoup plus éloquents. Et le papa a dit, mais il n'y a pas d'histoire de tolérance ou je sais pas quoi. C'est Sacha, en fait, tellement ça va de soi. Et je voudrais plus de personnes comme ça dans le monde. Voilà, je voulais plus de personnes qui pensent comme ça dans le monde. Aussi géniaux et voilà, je sais pas si ça vaut le coup de continuer. Franchement, allez voir ce film, c'est absolument fabuleux. Ça parle bien évidemment du sujet de base de la transidentité, mais ça parle aussi de l'acceptation, ça parle aussi de l'amour maternel. Ça parle de plein de sujets. Il n'y a pas que des moments qui vont vous briser le cœur. Il y a des moments où j'ai pleuré de joie. Il y a des moments où j'étais plus stressé et heureux pour Sacha que je ne le serais pour mes propres gosses. C'est absolument fabuleux comment Sébastien Lipschitz arrive à retranscrire ça. Il a un talent fou. Il a une caméra très discrète, mais c'est l'essentiel en fait. Voilà. Et il est hyper respectueux dans sa démarche. Et d'ailleurs, la maman de Sacha a refusé que le réalisateur rencontre Sacha avant de s'être entretenu au préalable avec lui. Et c'est après l'entretien qu'elle a vu que sa démarche était juste bienveillante et respectueuse et qu'elle l'a laissé rencontrer sa fille. Voilà, je vais essayer d'en rester là, de pas en dire plus parce que moi, vous en savez mieux, c'est évidemment. Et j'ai pas grand-chose à dire juste que. Je ne vais pas dévoiler à quelle place pour ne pas spoiler le top qu'on fera dans le podcast de la nuit, mais ce film m'a profondément bouleversé. Il est rentré dès le moment où je l'ai vu dans mon top 100. Il est dans mon top 3 de l'année. Je ne dirai pas à quelle place, voilà, pour ne pas spoiler. Mais c'est juste fabuleux. Jetez-vous dessus. Ça dure pas très longtemps, ça dure 1h20. C'est disponible gratuitement jusqu'au 30 janvier sur le site d'Arte et sur leur chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ce film, c'est absolument fabuleux et partagez-le autour de vous. Montrez-le à un maximum de personnes parce que ce film doit être vu. Ce film doit montrer que des enfants comme ça n'ont pas à souffrir. Des enfants comme ça, comme le dit la mère, n'ont pas à passer à côté de leur enfance parce que c'est absolument dégueulasse. J'en suis très reconnaissant à Sébastien Lipschitz parce que c'est absolument un film formidable. Il a fait deux films dans l'année, il a tous les deux placés dans mon top 10 de l'année. Donc voilà, un grand monsieur qui a un vrai don pour les documentaires. Et voilà, j'ai parlé longtemps, j'ai laissé parler le cœur. Mais j'espère que ça vous a quand même plu et que ça vous a convaincu de regarder Petite Fille. Vraiment, regardez-le parce que ça vaut le coup. Voilà, ça vaut absolument le coup. Vous allez passer par toutes les émotions. J'ajoute ceci au montage, voilà, je suis déjà un peu plus remis de mes émotions. C'est un des épisodes où j'ai le plus coupé en fait, parce que il fallait bien couper les moments où je pleurais, où je parlais pas, voilà, tout simplement. Pour ceux qui écoutent ce podcast le jour même de sa sortie, ou alors un jour après, c'est-à-dire le vendredi 18 ou le samedi 19. Je fais un live sur mon compte Instagram, donc le lien sera en description de ce podcast si vous êtes sur Spotify. Si vous écoutez sur Instagram, n'hésitez pas à venir voir le live. Ce sera avec mon amie Sofiane qui va devoir regarder le film pour le live. Et moi, je vais regarder Mother de Darren Aronofsky. Et donc, on parlera des deux films en live. Voilà, si n'hésitez pas à voir Petite Fille. Et à venir en parler en live dans le chat, on interagira avec vous. Je suis très curieux d'avoir des avis sur ce film. Et je me répète, mais regardez Petite Fille. Voilà. Et si vous n'avez pas été convaincu, c'est regrettable plus que jamais. Mais on se retrouve demain pour une nouvelle recommandation. Je vois pas en quoi ça dérange les gens. Qu'est-ce que ça peut leur faire? Ma gamine passe à côté de son enfance. Je trouve ça dégueulasse. C'est pas une question de tolérer, ou pour moi, c'est. C'est un chapeau. Mais comme je dis, de toute façon, c'est son combat, mais c'est le mien aussi. Je sais que ça sera le combat de ma vie. Tu n'es pas la seule pour qui c'est comme ça. On en voit d'autres, des enfants dans cette situation.